tout le long, le long, le long de l'eau. Cours, cours, cours le ruisseau de mes pensées. Tout le long, le long, le long de l'eau. Cours, cours, cours le ruisseau de mon passé. Le passé est solide, ici le frigidaire. Ouh, le chagrin est une carpe, le bonheur une anguille. Flot, emmenez-moi tout le long, le long, le long de l'eau. Cours, cours, cours le ruisseau de mes pensées. Tout le long, le long, le long de la Seine, coule, coule un ruisseau qui m'emmène loin des autos. Solide, ici le frigidaire. Ouh, le chagrin est une carte, le bonheur une anguille. Flot, emmenez-moi tout le long de l'eau, là-bas sous les ponts. File, file le mauvais coton de mon cocon. Oui, tout le long, le long, le long de l'eau. Cours, cours, cours mes idéaux. Tout le long, le long, le long de l'eau. Coule, coule, coule un ruisseau de sang nouveau et d'encre bleue et d'encre verte et d'encre noire et d'encre noire.